Chapitre 14. L'accusation. L'ombre grisâtre d'un matin de mai se levait sur le monde et venait éclairer, réuni dans la salle à manger, le groupe composé de M. Dere, de ses fils, d'un étranger, d'un ou de deux gendarmes et du sergent Delves appelé sur le lieu de l'événement. Les domestiques entraient et sortaient tour à tour, le sergent dressait une enquête préliminaire. Anthony s'était, nous le savons, retiré dans sa chambre de fort mauvaise humeur, refusant de sortir à la demande de Lord Hawksley, et se consolait en buvant son brandy quand le domestique de l'hôtel de l'Étoile reparut avec un second billet que le sergent Delves avait trouvé dans une des poches du défunt et qu'il avait ouvert. Il contenait ces mots. « Cher Dere, nous vous attendons tous, nous ne pouvons pas commencer sans vous. Pourquoi ne venez-vous pas? Ne restez pas trop longtemps à venir, votre dévoué, Hawksley. » Le billet l'avait emporté. Anthony, se repentant peut-être de la soirée solitaire à laquelle il s'était condamné, remit ses bottes et sortit, la tête déjà lourde. Il avait pris de la bière au dîner, du vin au dessert, de l'eau-de-vie dans sa chambre, et les trois boissons lui étaient montées à la tête. À son arrivée à l'hôtel, il trouva 6 ou 7 jeunes gens. Au lieu de rester chez Lord Hawksley, la société prit le parti d'aller s'installer chez un M. Brettle, jeune étudiant qui avait manqué ses examens et se disposait, disait-on, à les refaire. Ils allèrent donc chez lui, les cartes furent étalées et les boissons de toute espèce circulèrent librement. Anthony, pour apaiser sa soif, ne calculait ni le nombre des verres, ni la qualité de ce qu'il buvait. Aussi ne tarda-t-il pas à se montrer fort désagréable et bientôt incapable de jouer. Ce contretemps rompit le cercle des joueurs qui se séparèrent. Anthony n'était pas en état de retourner seul chez lui. M. Brettle entreprit de le reconduire. Il le quitta au portail. Anthony, trébuchant plusieurs reprises, finit par atteindre la maison. On ne savait rien de plus, et ces détails même n'auraient pas été connus si le gendarme, en allant chercher M. Delves, n'avait rencontré M. Brettle. Celui-ci, stupéfait de la nouvelle, s'était rendu sur la scène, et c'était de sa bouche qu'on avait appris comment Anthony avait passé la soirée. Mais ici se présentait une difficulté. Qui avait fait entrer Anthony? Personne. Il n'y avait pas de doute qu'il n'eût passé par la fenêtre de la salle à manger. Joseph avait tourné la clé de la porte d'entrée et ne l'avait ouverte qu'au retour de M. et de Mme Dere. Le gendarme, qui était passé lorsqu'Anthony revenait, l'avait suivi des yeux et avait vu qu'au lieu d'aller à la porte d'entrée qui faisait face au portail, il avait trébuché sur l'herbe et avait fait le tour de la maison du côté où était située la salle à manger. « Aviez-vous quelque motif pour le surveiller ainsi ?» demanda M. Delves. « Aucun, si ce n'est de voir s'il tomberait. » Quand le monsieur qui l'accompagnait lui lâcha le bras, il lui dit en plaisantant de ne pas embrasser la terre. « Et je pensais que je ferais bien de le surveiller, pour aller lui porter secours s'il tombait. Est-il tombé ?»« Non, mais il est bien resté 5 minutes à traverser la pelouse. » « Le monsieur demeura-t-il longtemps à le regarder ?»« Non, pas plus d'une minute. » « Avez-vous vu entrer quelqu'un d'autre ?»« À ce moment ?» Ou avant, ou après. Le gendarme secoua la tête. Je n'ai vu personne. Je fermai la porte après M. Anthony, et je ne la vis pas se rouvrir. Mais on aurait parfaitement pu entrer bien des fois pendant que je faisais ma ronde. M. Delves appela Joseph. Il me paraît extraordinaire, lui dit-il, que vous n'ayez entendu aucun bruit. Les mouvements d'un homme qui se trouve dans l'état où était M. Anthony ne sont en général pas très calmes. Il devait au contraire entrer bruyamment. Il devait même se heurter au meuble dans l'obscurité. « Il est certain que je ne l'ai pas entendu, » répondit Joseph. « Nous étions dans la cuisine, et j'ai dormi presque tout le temps depuis 11 heures jusqu'à 2. Les deux domestiques bavardaient très haut, elles se faisaient des bonnets ou quelque chose de pareil. La cuisinière était allée se coucher à 10 heures. Alors, à l'exception de vous trois, tout le monde était couché. Tout le monde, qui était à la maison, » répondit Joseph. La gouvernante s'était retirée de bonne heure, et les deux jeunes demoiselles vers 10 heures, M. Shirley et M. George peu après. Ils étaient rentrés d'une partie de cricket à moitié morts de fatigue, avaient soupé et s'étaient allés coucher. « Et vous n'avez pas entendu rentrer, M. Harbert ?»« Sergent Delves, je vous dis que je n'ai absolument rien entendu, depuis l'heure où j'ai fermé la porte d'entrée jusqu'à celle où M. et Mme sont revenus, » réitéra Joseph. « Je vous le répéterai 10 fois. » Que ce serait toujours la même chose. Si j'avais entendu l'un de ces messieurs, je serais allé voir s'il n'avait besoin de rien, surtout M. Anthony, car je savais bien dans quel état il était lorsqu'il était sorti. » 2 points frappaient plus particulièrement l'attention du sergent Delves. L'un, qu'aucun bruit n'eût été entendu, qu'un meurtre pareil eût pu s'accomplir dans un silence complet. L'autre, que la fenêtre de la salle à manger se fût trouvée fermée à l'intérieur. Ce dernier incident dénotait évidemment que l'assassinat avait été commis par quelqu'un de la maison. Les autres portes et fenêtres étaient toutes fermées. Herbert reconnut que c'était lui qui avait fermé la fenêtre de la salle à manger. Il disait, et le sergent le regarda attentivement pendant sa déclaration, qu'il était rentré vers 2 heures du matin, avait passé par la fenêtre et l'avait fermée après lui. Il avait traversé la chambre de l'autre côté entre la table et la cheminée, et d'ailleurs, s'il l'avait regardé, l'obscurité l'aurait empêché de rien distinguer. Il n'avait pas de lumière et avait marché en côtoyant le mur. Ces messieurs avaient-ils l'habitude de fermer l'espagnolette ? Demanda le sergent à Joseph, et le domestique de répondre affirmativement. Précisément, affirma Herbert, je l'ai fermé croyant Anthony dans la maison. Lorsque je suis sorti, Anthony était déjà monté à sa chambre en disant qu'il ne ressortirait plus. Le sergent Delves demanda si ces déclarations d'Anthony pouvaient être certifiées par quelqu'un d'autre que Herbert. L'institutrice, Joseph, Rosa et Mina, l'avaient entendu. Le sergent, ne voulant pas déranger les jeunes filles, fit demander la gouvernante. Mademoiselle Varsini s'indignait de ce qu'on osait la questionner. Elle entrait et sortait tour à tour, la figure pâle dans son peignoir couleur d'arc-en-ciel. Elle était montée s'habiller à moitié, elle avait ôté son bonnet de nuit et s'était coiffée, puis avait remis son peignoir et était redescendue écouter. « Je ne sais rien du tout, » répondit-elle avec véhémence au sergent. « Qu'est-ce que je puis savoir ? Je ne vous dirai rien. Je suis allée me coucher avant 9 heures, et je n'ai plus rien entendu jusqu'au moment de l'émotion générale. Mais vous pourriez bien me dire, mademoiselle, si vous avez entendu M. Anthony dire qu'il montait à sa chambre pour la nuit. Oui, il l'a dit. Il l'a dit dans le salon. Il a lancé ses bottes et a dit à Joseph de lui apporter ses pantoufles et de monter du brandy dans sa chambre parce qu'il n'en sortirait plus. Je ne savais pas qu'il fût ressorti jusqu'à l'instant où je l'ai vu étendu dans la salle à manger. M. Herbert était-il présent quand M. Anthony a dit qu'il montait pour toute la soirée dans sa chambre ? Je crois que oui. Je crois qu'il venait d'entrer. C'est tout ce que je sais. J'ai fait le thé et puis j'ai eu mal à la tête et je suis allé me coucher. Je ne puis rien vous dire de plus. Avez-vous entendu du bruit, mademoiselle ? Non. S'il y a eu du bruit, je ne m'en suis pas aperçu, je dormais. À quoi sert que vous me fassiez toutes ces questions ? Vous devriez les faire à ceux qui étaient debout. Je tomberai malade si vous me faites parler davantage. Rien de pareil ne m'est jamais arrivé dans aucune des familles où j'ai été en place. » Le sergent lui permit de se retirer. Elle alla sur l'escalier et s'assit sur la dernière marche en appuyant sa tête sur sa main comme auparavant. M. Dare lui demanda pourquoi elle ne s'éloignait pas de cette triste scène, mais elle secoua la tête. Elle ne tenait pas rester seule dans sa chambre, et ses élèves étaient enfermés avec Mme Dare et Mlle Adélaïde. Une chose embarrassait le sergent, mais il ne l'exprimait pas. Aucune arme n'avait été trouvée. Les gendarmes avaient fouillé une partie de la maison, mais n'avaient découvert aucun instrument de meurtre. On avait bien parlé d'un couteau de table, mais M. Glenn affirmait que ce n'était pas avec un couteau, mais avec une lame pointue à 2 tranchants et très mince, d'environ 6 pouces de long, qu'on avait dû frapper Anthony. Le témoignage le plus accusateur était le manteau de Herbert. Le sergent l'examinait les lèvres serrées. Herbert expliqua qu'il avait mis son manteau et était allé jusqu'au portail, mais, trouvant qu'il faisait trop chaud, il était retourné sur ses pas et l'avait lancé sur la table de la salle à manger par la fenêtre. Il ajoutait qu'il se souvenait d'avoir vu le manteau commencer à glisser de la table, mais qu'étant pressé, il n'avait pas voulu s'arrêter pour le mieux placer. Le sergent regardait toujours Herbert. Quand le chirurgien et M. Brittle furent partis, il alla fermer toutes les portes et mit les clés dans sa poche. « Personne ne sortira d'ici sans ma permission, » dit-il. Puis il prit M. Dare à part. « Je crois qu'il ne peut y avoir de doute, » lui dit-il gravement. M. Dare le comprit. Lui-même partageait cette opinion, mais sans vouloir le laisser entrevoir. « Il me semble que si le pauvre Anthony était dans l'état que l'on nous a décrit, il aurait pu tomber en rentrant dans la chambre, » observa-t-il. « Il était bien facile, la fenêtre étant ouverte, à quelques voleurs de venir l'assassiner. « Allons donc, » fit le sergent. « Ce n'est pas un voleur qui a fait le coup. Nous avons souvent un devoir pénible à remplir, nous autres gens de la police, et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'y aller avec les plus grands ménagements. Je suis bien fâché d'avoir à vous dire, Monsieur Dare, que j'ai pris mes hommes d'avoir l'œil sur Monsieur Herbert. » Un frisson parcourut Monsieur Dare. « Ce ne peut être Herbert, » fit le malheureux père en gémissant. « Monsieur Glenn dit que la mort doit avoir eu lieu vers 11h30, et Herbert n'est rentré qu'à 2h. »« Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est rentré qu'à 2h ?»« Il le dit. Je ne doute pas qu'il en donne la preuve. » Le pauvre Anthony était mort 2 heures auparavant. « Voyons, monsieur Dare, écoutez. Monsieur Glenn a sans doute raison quant à l'heure de l'événement. J'ai moi-même quelque expérience, et je vois qu'il ne se trompe pas de beaucoup. Mais passons. Voici des témoins qui l'ont vu vivant à 11h30. Vous rentrez à 2h et vous le trouvez mort. Que votre fils Harbert prouve qu'il était absent de 11h30 à 2. Il dit qu'il était dehors, bien. Qu'il indique l'endroit, afin que nous puissions vérifier, et tous les soupçons contre lui disparaîtront. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas quoi ? Demanda M. Dare. Il m'a répondu très carrément qu'il ne peut et ne veut pas me dire où il a été. Je le lui ai demandé. M. Dare rentra impétueusement dans la chambre où il avait laissé son second fils, son fils aîné maintenant. Harbert ? Mais M. Delves l'arrêta brusquement. N'allez pas rendre les affaires pires, chuchota-t-il. Hélas, elles ne sont que trop graves. Non, non, M. Dare, ne faites pas l'entêter. Je vous donne un conseil d'ami. Vous et moi, nous avons déjà eu plus d'une fois affaire ensemble, et pour vous, je ne crains pas de sortir un peu de mes habitudes. La pire chose que pourrait faire votre fils serait de répondre devant les domestiques qu'il ne peut ou ne veut pas dire où il a passé une partie de la nuit. Ce serait se condamner tout de suite. Demandez-le lui en particulier. Monsieur Dare rappela Harbert. Un gendarme sautit après lui, le sergent fit un signe et l'homme retourna sur ses pas. Harbert, tu dis que tu n'es rentré qu'à 2 heures du matin. C'est la vérité. Il était 2h20. L'horloge sonnait 1h30 comme je traversais la ville. Où as-tu été? Je ne puis pas le dire. Monsieur Dare s'agitait. Il te faut le déclarer, Harbert. Ou en supporter les conséquences. Je ne puis pas les empêcher. Où j'ai passé la nuit, cela ne regarde personne et je ne le dirai pas. Votre refus n'est que de la folie, interrompit le sergent. C'est la première question que vous font les magistrats quand vous paraîtrez devant eux. Harbert prit un air hautain. Moi, paraître devant les magistrats? Que voulez-vous dire? Vous n'oseriez pas m'arrêter? Vous l'êtes depuis une demi-heure, dit froidement le sergent. La figure de Harbert se rembrunit. Je ne me soumettrai pas à cette indignité, s'écria-t-il. Je ne le veux pas. Monsieur Delph, vous dépassez. Regardez! Interrompit le sergent en tirant de sa poche une paire de menottes. Ne me forcez pas à en faire usage. Vous êtes arrêté et vous irez devant le tribunal. Mais conduisez-vous un homme et je vous traiterai comme tel. Je jure sur mon honneur que je n'ai pas eu la moindre part à ce crime, cria Herbert avec agitation. Croyez-vous que j'aurais pu commettre le crime de Caïn? Qu'avez-vous donc à la main? Demanda le sergent en se penchant pour regarder de plus près les doigts de Herbert. Herbert ouvrit ses mains. J'ai fait quelque chose qui m'a écorché les doigts, dit-il. J'essayais de tordre des fils de fer. Monsieur Delves, je vous déclare solennellement que depuis le moment où mon frère est monté à sa chambre, comme des témoins vous l'ont affirmé, jusqu'à celui où mon père m'a fait sortir de mon lit pour me le montrer, étendu mort, je ne l'ai pas revu. Vous avez levé un couteau contre lui peu d'heures auparavant. Vous le savez, monsieur Herbert, j'étais en colère. Il m'avait provoqué, mais je n'aurais pas frappé de sang-froid. Non, le pauvre garçon, je n'aurais pas voulu lui faire de mal. Vous n'aurez qu'à raconter toute cette histoire devant les juges, répliqua le sergent. Ce sera leur affaire et non la mienne. Herbert Dare fut donc confié aux gendarmes qui l'emmenèrent en prison pour être jugé aussitôt que s'ouvrirait la cour d'assises. Il était accusé du meurtre de son frère Anthony. Il serait impossible de décrire la surprise de Helstonleigh à l'ouïe de ces nouvelles. Les collégiens, dont Anthony Herbert faisait partie peu de temps auparavant, étaient dans un état d'excitation extrême. Gar Haliburton rentrait chez lui la tête pleine de cette affaire. Après l'avoir annoncé à sa mère, il pensa n'avoir rien de mieux à faire que d'aller en faire part à Patience en guise de divertissement. « Puis-je monter, Patience ? » cria-t-il du bas de l'escalier. « J'ai quelque chose à vous dire. » Ayant reçu la permission, il grimpa lestement. Patience, à moitié élevée, essayait de coudre. Anna, assise près de la fenêtre, mettait des boutons en chemise neuve. « J'en ai fini deux !» cria-t-elle toute joyeuse à Gar. « Et mon père nous écrit qu'il revient la semaine prochaine. Ta mère a reçu peut-être une lettre de William. Regarde ses chemises !» et elle les exhiba devant Gar. « Je m'inquiète bien de vos chemises, Anna !» répliqua Gar, oubliant momentanément sa galanterie habituelle. « Patience, il vient d'arriver quelque chose d'épouvantable. Anthony Dare a été assassiné. » Patience, la calme Patience, regardait Gar sans comprendre. Anna s'était brusquement arrêtée, la bouche ouverte. « Il a été assassiné, cette nuit, dans la salle à manger de leur maison, » continua Gare. « La ville est bouleversée, on n'a jamais vu pareil tumulte. Quand nous sommes sortis du collège, nous avons cru que les Français avaient envahi Helstonleigh, tant il y a de monde dans les rues. Il n'y avait pas moyen d'arriver jusqu'au palais de justice où l'instruction a lieu. Il n'y a eu que 5 ou 6 d'entre nous qui ont pu y arriver. Or Border était si pâle. Il était là, entre 4 gendarmes. « Comme tu parles vite, Gare, » interrompit Patience. « Tu ne veux pas dire que Herr Border était arrêté ?»« Mais oui, » répondit Gare, en parlant encore plus vite. « C'est lui qui l'a fait, du moins il en est accusé. Anthony et lui se sont querellés hier soir. Ils en sont venus à des coups de couteau. On les a séparés, mais on suppose qu'il aura attendu Anthony dans la nuit et qu'il l'aura tué. Anthony est-il mort ? Est-il... Mais qu'as-tu donc, Anna ?» Anna avait laissé tomber les chemises et les boutons. Ses yeux bleus se fermaient, ses lèvres étaient pâles, ses mains tremblaient. « La voilà qui s'évanouit !» cria Gare, et il s'élança pour la retenir. « Gare, mon cher, tu n'aurais pas dû nous annoncer une pareille nouvelle aussi brusquement. Tu m'as rendue toute tremblante. Peux-tu étendre la main et tirer la sonnette ? Esther montra !»